la PCDR. Béton armé d'un pit qui vient rapper ses nerfs. C'est dans l'air sécurité, cessez le feu. Déçu de leur despotie, j'en suis dédaigneux. Rika, la vie est belle avec le génisme. Effet de serre, la couche disparaît avec leur génie. J'ai l'impression d'être soumis à mon génotype. HIP à choper, dangereux comme Tchernobyl. Il paraît que le thème a été vu 26 fois. J'y vais plus qu'à Manpower, même de 26 fois. Car les graphes, un calibre dans la caboche. Elle tourne en rond, mais j'ai qu'une pièce pour 4 poches. MC, et pas de tireur de M16 ennemi. Si tu viens me couper en pleine messe. Obéissance, aliénation, contrôle des opés avec soi-même. L'enfer, c'est les autres culs. Python est une flèche pour courir le jupon. R conditionné pour faire mourir Alain Juppé. Excuse, mais en costard, t'as rien d'écolo. T'es banques à être de la tendance pour tes euros. C'est le respect, mais je te sens dire non. Vénémeux et l'argent qui pousse comme des champignons. W x 3 Facebook.com. X raison de se méfier du nouveau Pentagone. Y. Ma maison de retraite en Picardie. ZX comme voiture par manque de Picardie. Yeah. Vas-y Masto, laisse tourner l'ambiance. Paulson Studio. Craig à la prod. Ordre alphabétique dans la position magique. Paris, Dijon. Toujours présent. A, B, C, D. Donne-moi un M, un S, un T et un O. Et un beat apparaît. Donne-moi un L, un A, un N, un O, un N, un Y, un M et un E.